des zombies partout. Ah, ah, des zombies. Oh mince, oh ça filme. Ah, bon, salut, personne non binaire, monsieur, madame, qui que tu sois, quel âge as-tu, d'où viens-tu? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, un sujet polémique, un sujet sensible. C'est ce sujet, en l'occurrence, c'est le jeu de rôle sans MJ. Alors, le jeu de rôle sans MJ, mais qu'est-ce que ça co? Alors, il faut que tu saches, grosso modo, qu'il y a un petit peu plusieurs sortes de jeux. Je vais éteindre cette lumière qui ne sert à rien. Il y a un peu plusieurs sortes de jeux de rôle sans MJ. Mais je vais d'abord demander l'avis d'un expert en la personne de Bois. Bois. Est-ce que tu peux... Attends, montre-toi à l'écran, là. Est-ce que tu peux me dire comment on fait pour jouer à un jeu de rôle sans MJ? On t'écoute. Voilà. Victor, est-ce que tu peux traduire ce qu'il a dit, hein? Pas besoin d'en créer un. Il faut, y en a qui ont fait, il y en a plein dans le commerce. Et il faut. On a juste à en chercher chez un pour en faire un. Ah, d'accord. Mais oui, t'as raison. Il faut faire marcher l'économie du jeu de rôle qui est vacillante. Donc, arrêtez de créer vos propres jeux. Jouez aux jeux du commerce et surtout achetez des jeux chers. De préférence en souscription, hein, c'est important parce qu'il faut aussi faire vivre Ulule, Game on Tabletop et tout, enfin tous ces acteurs absolument philanthropes du monde du jeu de rôle. Ok, alors avant, donc je vais te définir un tout petit peu le jeu sans MJ, en fait, surtout pour te dire qu'il y a un peu deux sortes. Il y a vraiment le jeu sans MJ, c'est-à-dire que vraiment on ne peut pas définir qu'il y a un MJ jamais, quoi. C'est vraiment totalement anarchique. Et il y a aussi les jeux à MJ tournant. C'est-à-dire la plupart, si tu regardes bien, c'est un peu la plupart des jeux étiquetés sans MJ qu'on va voir. Les jeux à MJ tournant, en fait, c'est-à-dire que chacun son tour, l'une des joueuses endosse le rôle de MJ et donc va incarner le décor, les figurants, mettre en place l'intrigue. Alors... Dans les deux cas, en fait, souvent, ce qu'il y a dans un jeu sans MJ, qu'il n'y a pas forcément dans un jeu avec MJ, qu'il pourrait y en avoir, moi j'appelle ça carrément de mes voeux, c'est qu'il y a un émulateur de MJ dans les jeux sans MJ. Oh, j'entends les bobos qui s'expriment, ils sont trop mignons. Hop, les petits bobos, ils vont peut-être passer, je les attends. Et en fait, tu dois savoir que donc cet émulateur de MJ, en fait, il aide à la gestion du décor et des figurants. Alors, attends, je vais te poser une question tout de suite. Tu dois savoir que dans la plupart des jeux sans MJ, en fait, on va surtout jouer pour l'histoire. Alors, petit bois, qu'est-ce que ça veut dire jouer pour l'histoire ? Ok, Victor, est-ce que tu peux me traduire parce que j'ai pas compris le boba? Jouer attends, pour... il faut aller trouver internet ça, avant de faire ça. Il faut faire il faut trouver l'internet, c'est tout ce qu'il faut faire. Hein. Ah d'accord, bon. Grosso modo, il t'explique jouer pour l'histoire, va voir sur internet ce que ça signifie. Hein. Je veux dire, on n'est pas ta nounou. La prochaine fois, Victor, on va bosser un peu plus sur ton script. Bon. Alors, pour aller plus loin, il faut quand même, il est largement temps que je te parle du sponsor de cette vidéo. Cette vidéo, elle est sponsorisée par les produits Tripier. C'est-à-dire, est-ce que tu aimes les produits Tripier? Quoi? Est-ce que tu aimes les produits Tripier, les abats? Le tout, comment, il y a plein de la cerve. Est-ce que tu aimes manger de la cervelle, des tripes, des gencives de porc? Bon, il aime pas ça. Et nous, si tu veux, nous les vrais mecs, ça fait bien longtemps qu'on le barbecue, on a arrêté parce que c'est vraiment pas assez viril. Nous, les vrais hommes, quand on joue à nos tables 100% masculin, on mange des produits Tripier et bien sûr sans oublier leurs compagnons sempiternels, les abats. Donc, non, Boba, là je suis occupé parce que là j'explique le menu de nos tables de jeux de rôle. Si tu veux, nous à nos parties de Warhammer 40 000, c'est au menu, c'est langue de bœuf, riz de veau, voilà, comment on pense de brebis farcie, tripes à la mode de Caen, voilà, ça c'est vraiment le jeu de rôle des vrais mecs, hein, grosso modo quoi. Et puis bon, bah, ce qui se passe quand on est là en train de jouer dans cette atmosphère de sueur virile et tout, on se regarde les uns les autres et puis tu vois l'autre, tu fais un petit bout de tripe là qui pend de la bouche. Attends, je vais te l'enlever. Qu'est-ce qui nous arrive? Oh, je m'égare totalement. Donc voilà, n'oubliez pas les produits Tripier avec leur slogan si facile à retenir. Les produits Tripier sont nos amis pour la vie. Non. Bon, on va reprendre parce que là, je suis en train d'exploser le chrono avec mes bêtises. Je vais reprendre donc sur le jeu de rôle sans MJ. Donc, quand tu joues un jeu sans MJ, bah, c'est la dernière question parce qu'après, je vais vraiment péter le chrono, d'accord? Alors, moi, dis-moi, Boba, est-ce que tu as envie de jouer à un jeu de rôle sans MJ? Victor, tu peux traduire? Et c'est la dernière question, parce qu'après, je vais plus avoir le temps pour ma vidéo. Je sais pas, tu peux choisir comme tu veux. Youpi! Ah, super. De toute façon, Victor, avec MJ sans MJ, MJ tournant. On fait plutôt du MJ tournant avec Victor, souvent. C'est que ça, quand on joue, on ne sait jamais trop c'est qui le MJ au final. Donc, non, Victor, là, il faut vraiment que je finisse. Il est déjà 8 minutes. Je vais à peine commencer le sujet. Cette vidéo, c'est du total what the fuck. Bon, c'est pas grave. Donc, quand tu joues au jeu de rôle sans MJ, tu dois estimer en fait quelle sphère d'influence tu acceptes d'avoir autour de ton perso. C'est-à-dire, est-ce que tu veux gérer que ton perso? Est-ce que tu es prêt à gérer des choses comme l'historique de ton perso, tes relations avec les PNJ, aller vraiment jusqu'à gérer le décor et le figurant, c'est une invasion de bois sur l'écran. Ça devient vraiment le chaos, cette vidéo. Il y a quelques exceptions prêtes, comme les jeux descendants de la reine, où en fait on gère pas vraiment de PNJ, ou plutôt, enfin c'est le côté MJ est vraiment très effacé. Où il y a un jeu comme un de mes jeux qui s'appelle Les Centres, où il y a vraiment, là c'est officiel, il n'y a aucun PNJ. En fait, ce qui compte, c'est les PJ et leurs relations entre eux, quoi. Mais si tu n'es pas à l'aise avec le fait d'incarner le décor ou le figurant, ou en tout cas si tu veux pas le faire tout le temps et surtout si tu veux pas te donner la réplique à toi-même, tu sais, jouer un peu les chaussettes, eh bien tu peux demander à quelqu'un d'autre à la table d'incarner en fait le décor et les figurants pour toi. Alors, il y a des notions, des façons de jouer qui sont vraiment, bon, je les trouve déjà importantes si tu veux dans le jeu avec MJ, mais elles me paraissent surimportantes dans le jeu sans MJ. C'est de jouer l'impact de ce que font les autres, de jouer au service de la table et pas non uniquement au service de ton personnage, Ce qui fonctionne très très bien dans le jeu sans MJ, c'est de faire du drama, puisque en fait, ce qui est plus facile à gérer en sans MJ, c'est quand même les relations avec les PJ. Donc le drama, ça fonctionne très bien. Et puis bon, bah, il faut avoir un bon sens de l'impro, c'est vraiment exacerbé dans le jeu sans MJ. Donc, ce que tu dois retenir, encore plus que dans le jeu avec MJ, je dirais, c'est que dans le jeu sans MJ, tu es vraiment co-responsable de la réussite de la partie, tu es co-responsable de la répartition du temps de parole, mais surtout, faut pas non plus oublier de t'amuser. Et pense à faire progresser l'arc narratif de ton personnage, bah parce que si tu le fais pas, eh bien peut-être que les autres le feront pas à ta place. Donc pense à être responsable de la progression de ton personnage, de son arc narratif notamment. Et enfin, bah, appuie-toi sur les règles, elles vont t'aider, hein, parce que des fois, si tu veux pas faire écran bleu dans le jeu sans MJ, je trouve qu'il vaut mieux s'appuyer massivement sur les règles. Cependant, ce n'est pas la peine de viser ce que j'appelle le bingo des mécaniques, c'est-à-dire ah, il faut absolument que j'utilise toutes les mécaniques, toutes les règles, que je respecte tout le temps les règles by the book. Il y a un moment, si la narration te vient de façon fluide, eh ben, tu peux oublier un petit peu les règles, quoi. Ne cherche pas le bingo des mécaniques si ça ne fait que rajouter de la lourdeur. Victoire, tu montes ta petite main pour dire au revoir aux gens comme ça, là? Attends, là, on va. Tu montes ta petite main, pas ta tête. Voilà, je vous fais des bisous d'amour. Et comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre la cloche, de s'abonner et de s'aimer.